clan de la tribu des Nubas. J'avais dans les 12 ans quand le drame se passa. Mince, j'allais oublier mon nom CMNT. J'menais ma vie tranquille, cinquième enfant de la famille. Mais des mouraïs m'attaquèrent dans une folie meurtrière. On tenta de fuir, mais aucun moyen de s'en sortir. Kidnappé, violé, frappé, à Khartoum je fus emmené. Et de fil en aiguille, deviens esclave d'une famille. Ce statut j'allais garder pendant près d'une dizaine d'années. Effectuer les mêmes corvées, tous les jours, toute la journée. Et c'est les mêmes violences, à Khartoum ou à Londres. Mais m'évader, j'y pense, et bientôt je passerai à l'acte. À Londres en l'an 2000, et je demanderai l'asile. Qui sera d'abord rejeté, mais accepté 2 mois après. Notamment grâce à la présence de nombreuses personnes qui à ma lutte unissent leur force. J'écrirai ensuite ma vie d'esclave, pour que le monde sache. Yeah. Armée vocale, refroidir ses armées vocales. Un renard, 3 visages pâles, une arme avec 4 balles. Rempli dans le parier, c'est 4 voix, 4 textes et 4 personnalités. 4 adeptes de diversité, diversité à partager. Mais un seul objectif, une révolution de qualité. Sur support auditif, tu ne peux pas nous stopper. On préfère l'ombre à la lumière, casse pour grimper. Il faut procéder notre art, on est armé à l'encre. Ni alphabète, ni cancre, prise de position argumentée. Pour n'importe quel sujet, prise d'otage du MIC. Papa de rançon, juste un message à passer. Les fous vous les connaissez, Braza, Verso, Falo, Atrio, Ostino, Kung Fu. 4 loups affamés, arracheurs de micro. À l'état opposé, militants révoltés, consciemment engagés. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, les temps sont durs. Chien de paille, 10 piges avant. Le rap ne faisait pas vente, on se répète et rien ne change. Alors, je tente l'alternative. Ah ouais. Parler de l'amour d'un peuple, parler de l'amour d'une terre. Il n'y a aucun aveugle, mais beaucoup trop de hier. I have a dream, y'a de la violence dans mes rimes. Autant que de l'amour dans mes crimes. Tous rejoints, j'suis unanime. Une violence héréditaire, à chaque temps sur l'autre guerre. De la bagarre d'un primaire jusqu'à la mort de l'adversaire. Vas-y frère, resserre un verre, que ma poésie change d'air. De la rage dans le cœur, sans rancœur ni amertume. Si tu veux sans vertu, quand j'assimile la violence à la lutte de l'hypercute, à mes KO la France. C'est un cortège funèbre, à chacun de nos désaccords. L'homme frôle les ténèbres, à chacun de ses rapports. Rapport de force en cohérence, sur le feu, j'mets des sens. La violence t'a épousé, ta conscience est étouffée. Et tout ça s'est entassé dans un cœur encrassé. Crache sur la paix, mais n'y a jamais joué. Une odeur macabre dans l'air, de la haine dans les artères. La souffrance prend naissance dans l'amour de la violence. Dans l'amour de la violence. La souffrance prend naissance dans l'amour de la violence. Fermé derrière des barricades, surveillé par des brigades. Entassés les uns sur les autres, ça se passe dans les corps de la bombe. Y'a pas de délit à leur actif, la seule chose dont ce sont faux chiffres. C'est d'être sans papier, on les appelle immigrés réfugiés. Ils sont traités comme du bétail, pour la police chacun détail. Originaire de pays pauvres, de conflits où l'on se sauve. En France accueille les bras fermés, mais les poings bien armés. Les CRS sont envoyés, contrôlés, RAF multipliés. L'État n'a pas d'argent, mais les charters ont du carburant. On a les armes sans retour et tout le monde joue les sourds. Le pourquoi du comment, on s'en fout du moment qu'on garde notre confort occidental. Même si des gens crèvent la dalle. Bienvenue dans les camps de la honte, où des êtres humains affrontent des violations de l'humanité. Les droits de l'homme ont été impunités. Bienvenue sur un terrain glissant, sur un terrain glissant, sans retenue dans mes propos. Position de rebelles résistants, dans leurs mensonges et gros. J'ai pris ma part de liberté, d'avachis devant TF1. Un bout de saucisson et du vin. Si c'est ça être français, bah appelle-moi à l'étranger. Prends pas d'identité nationale, on dirait Jean-Marie. J'suis un rappeur radical contre toute cette mesquinerie. La liberté est dans nos mains, allons ouvrir à ton prochain. On est libre de construire en parallèle à cet empire. On est libre de prendre notre chance et de bâtir notre France. Ma famille m'insuffle la vie et le jour de l'autopsie. Ils retrouveront que de l'amour dans le cœur. J'suis libéré de rage et de rancœur grâce à la liberté de ma plume que je nourris et que j'assume. Sûr qu'on est capable de mettre du pain sur la table. On vient mettre notre grain de sable dans ce pays instable. Faut briser les chaînes de nos esprits. La liberté n'a pas de prix. La lutte chassiquée, elle peut être souhaitée. C'est l'armée. C'est ma plume. Arraché sur un cadavre, celui d'une colombe. C'est du sang qui en coule, ma plume de rime roucoule. Des fois hard, des fois cool, mais jamais saoul. Ici une famille recomposée comme beaucoup d'enfants désormais. Ma plume trouve son inspiration au milieu de ses explosions et pose de nombreuses questions sur cette volonté de destruction. Ma plume prend son sens dans la prise de conscience, dans la désobéissance et fuck leur croissance. Ma plume est dure mais réelle, elle est rude et cruelle. Elle reflète ce que je vois, ce que je mange, ce que je bois. Ma plume traîne dans les coins sombres où des gens tombent mais ne se relèvent pas. Assassiné par l'État, ma plume trouve sa force dans une famille nombreuse. Au sein d'une mère qui a su tout faire pour subvenir aux besoins de tous ses bambins. Ma plume s'envole dans le claquement de cils, celui de cet orphelin qui pleure ses défunts, assis dans le champ de bataille. de ces hommes qui mitraillent. Ma plume atterrit dans les cheveux, ceux de ce vieux monsieur ayant la rue comme seul ami et la mort comme seule envie. Ma plume peut être triste et rarement happy. Refrain si je t'attriste, c'est que j'ai un gros souci. Ma plume connaît pas de crise, sauf celle de démence. Quand l'État nous offense, elle perd, prise. Ma plume est toute crade, depuis que la colombe crame. Dans leur baril de pétrole, se noie dans leur verre d'alcool. Ekomeli nangai, eza losambo nangai, pona moto nyoso. Ekomeli nangai, eza bwanya, yaba koko pona kimia. Ekomeli nangai, eza bonsomi, eza bosembo ya mosikoli. Ekomeli nangai, eza emonili, nangai pona bozwi. Ekomeli nangai, eza losambo nangai, pona moto nyoso. Ekomeli nangai, eza bwanya, yaba koko pona kimia. Ekomeli nangai eza bonsomi, eza bosembo ya mosikoli. Ekomeli nangai eza emonili, nangai mpona bozwi.